Y'a trop longtemps maintenant que j'ai quitté ma terre natale. Je rêve qu'un jour mes pieds foulent le sol de la Teranga. Car le rêve est devenu un putain de cauchemar. Je me rends compte que ce qu'on m'a vendu est un canular. Là d'où je viens, là d'où je viens. Des sourires brillants tranchent avec la couleur de l'ébène. Là d'où je viens, là d'où je viens. La pauvreté des frères n'a d'égal que leur bonté. À travers ma fenêtre, le bruit des caisses remplace le chant des oiseaux. Et les tours masquent un ciel qui tente d'être beau. Dur de croire qu'on est un homme plus qu'un robot. Ici la vie ressemble à une marche vers l'échafaud. Je tente d'y croire encore même si toujours je déplore que ma terre tant promise finalement m'ignore. Peut-être que je suis plus noir qu'elle s'y attendait. C'est peut-être pour ça qu'elle fait tout pour me décourager. Yeah. Je ne lâche pas, je ne lâche pas. Ce n'est pas ce que mes ancêtres attendent de moi. Ça voudrait dire que leur sang aurait coulé en vain. Alors je continue le combat pour de meilleurs lendemains. Je ne lâche pas, je ne lâche pas. Un lion est condamné à toujours se battre. Même si je sais que pour avoir ce que je veux, tous mes efforts seront multipliés par deux. Certains de mes aînés dans le passé s'y sont essayés. Tenté de fuir les tempêtes, les rigueurs du Sahel. Ils ont tenté de déblayer un avenir menacé. Mais à l'arrivée naturellement ils se sont fait refouler. On ne refait pas le passé, l'avenir le fera pour nous. En attendant la réalité m'empêche d'être mou. Même si je sais où je veux aller, par choix ou forcé. On me retient, ma patte n'est pas blanche, c'est un fait. Les regards de travers, les jeux de mots divers me font serrer les poings et monter ma colère. Pour vivre en paix, faudrait-il que je demande une amnistie. Car jusqu'ici tous mes efforts se heurtent à la connerie. Mais je ne lâche pas, je ne lâche pas. Ce n'est pas ce que mes ancêtres attendent de moi. Même si j'avoue que parfois je doute. Pouvoir rester correct, pouvoir rester cool. Je ne lâche pas, je ne lâche pas. Je suis un lion qui ne sait que se battre. Même si la vie est scélérate, dégueulasse ou ingrate. Je ne lâche pas, je fais face. Je ne lâche pas, je fais face. Les tam-tams de l'Afrique, je les entends encore résonner. Mes doigts gardent leur empreinte pour l'éternité. La chaleur moite de ma terre natale me console. Si seulement rien qu'une fois encore, je pouvais fouler son sol. Mais mes angoisses résonnent aussi sous la voûte céleste. Pendant que j'essaie de rendre ma vie un peu plus digeste. Les étoiles se sont tues dans le vacarme de mes souvenirs. Les vagues de mon rivage me demandent de revenir. Je traite les fleurs de mon mal comme un baudelairien. Je montre du doigt ceux qui me prennent pour un vaurien. Je jongle entre les larmes. Je flirte avec les lames, même si je suis pris dans les filets de l'amalgame. En plein milieu de l'océan, ma pire regarde le cap. Je sais d'où je viens, en cas de besoin, je suis mes pas. J'ai touché le bonheur du doigt, j'en ai eu ma zeste. Si ouais. Tu crois que je vais rester là sans faire un geste. Je ne lâche pas, je ne lâche pas. Je sais où je veux aller, même si pour ça je rame. À quoi ça sert de vivre une vie sans combat. Même si l'adversaire ne donne que des coups bas. Je ne lâche pas, je ne lâche pas. Je suis un lion qui ne sait que se battre. Même si la vie est scélérate, dégueulasse ou ingrate. Je ne lâche pas, je fais face, yeah. Je fais face. Un lion, je ne lâche pas. En Wolof, c'est je suis un lion qui ne sait que se battre. Kainer.